Troisième partie, des maîtres. Petit 1, leur état doit être permanent. La fonction d'enseigner suppose l'habitude et le goût d'une vie sédentaire et réglée. Elle exige, dans le caractère, de la douceur et de la fermeté, de la patience et du zèle, de la bonhomie et une sorte de dignité. Elle demande, dans l'esprit, de la justesse et de la finesse, de la souplesse et de la méthode. On sait pour soi tout ce qu'on peut se rappeler avec un peu d'étude et de réflexion. Il faut avoir toujours présent à l'esprit ce qu'on est obligé de savoir pour les autres. Je n'ai besoin pour moi-même que d'avoir résolu les difficultés qui se sont élevées dans mon esprit. Il faut qu'un maître sache résoudre, et qu'il ait prévu d'avance, celles qui peuvent s'élever dans les esprits très dissemblables de ses disciples. Enfin, l'art d'instruire ne s'acquiert que par l'usage, ne se perfectionne que par l'expérience, et les premières années d'un enseignement sont toujours inférieures à celles qui les suivent. C'est donc une de ces professions qui demande qu'un homme y dévoue sa vie entière ou une grande portion de sa vie. L'état de maître doit être regardé comme une fonction habituelle, et c'est sous ce point de vue qu'il faut le considérer dans ses rapports avec l'ordre social. Ils ne doivent pas former de corps. Les maîtres, exerçant des fonctions isolées, ne doivent pas former de corps. Ainsi, non seulement il ne faut ni charger de l'enseignement une corporation déjà formée, ni même en admettre les membres actuels dans aucune partie de l'instruction, parce qu'animés de l'esprit de corps, ils chercheraient à envahir ce qu'on leur permettrait de partager. Cette précaution nécessaire ne suffit pas. Il faut que ni les maîtres d'une division du territoire, ni même ceux d'un seul établissement, ne forment une association. Il faut qu'ils ne puissent ni rien gouverner en commun, ni influer sur la nomination aux places qui vaquent parmi eux. Chacun doit exister à part, et c'est le seul moyen d'entretenir entre eux une émulation qui ne dégénère ni en ambition, ni en intrigue, de préserver l'enseignement d'un esprit de routine, enfin, d'empêcher que l'instruction, qui est instituée pour les élèves, ne soit réglée d'après ce qui convient aux intérêts des maîtres. Leurs fonctions sont incompatibles avec toute autre fonction habituelle. Les maîtres, comme citoyens, doivent être éligibles à toutes les fonctions publiques, mais celle qui leur est confiée, étant permanente de sa nature, doit être incompatible avec toutes celles qui exigent un exercice continu, et le maître qui en accepterait de telles devrait être obligé d'opter sans pouvoir se faire remplacer. J'en accepterai cependant les places de la législature. En effet, l'intérêt puissant de les voir confiés aux hommes les plus éclairés semble exiger qu'on n'en écarte point ceux qui ont des fonctions permanentes en les obligeant de quitter, pour un honneur de 2 années, l'état auquel le sort de leur vie est attaché. Et d'ailleurs, cette exception est nécessaire pour que la non-compatibilité avec d'autres places honorables n'avilisse point les fonctions qui y sont soumises. 2 ans de remplacement dans un petit nombre de places d'instruction ne sont pas un inconvénient qui puisse balancer l'avantage d'ôter à ces fonctions cette apparence d'infériorité, cet air subalterne que l'orgueil, l'ignorance et un mauvais système d'éducation ont dû leur donner. C'est surtout entre les fonctions ecclésiastiques et celles de l'instruction qu'il est nécessaire d'établir une incompatibilité absolue dans les pays où la puissance publique reconnaît ou sous-doit un établissement religieux. Je dis les fonctions ecclésiastiques, car je ne suppose pas qu'il existe une caste séparée dévouée au sacerdoce même sans en exercer les fonctions. Je suppose ou qu'il n'y a pas de prêtres sans emploi, ou qu'ils ne sont distingués en rien du reste des citoyens, car s'ils étaient séparés des autres individus, si la loi les soumettait à quelque obligation particulière, reconnaissait en eux quelques prérogatives, il faudrait que la non-éligibilité remplaçât la simple incompatibilité et s'étendît jusqu'à eux. Autrement, l'instruction tomberait bientôt tout entière entre les mains sacerdotales. C'en serait fait de la liberté comme de la raison. Nous reprendrions les fers sous lesquels les Indiens et les habitants de l'Égypte ont gémi si longtemps. Les peuples qui ont leurs prêtres pour instituteurs ne peuvent rester libres. Ils doivent, insensiblement, tomber sous le despotisme d'un seul qui, suivant les circonstances, sera ou le chef ou le général du clergé. Ce serait une idée bien fausse, que de compter sur l'établissement d'une doctrine religieuse pure, exempte de superstition, tolérante, se confondant presque avec la raison, pouvant perfectionner l'espèce humaine sans risquer de la corrompre ou de l'égarer. Toute religion dominante, soit par la loi, soit par un privilège exclusif à des salaires publics, soit par le crédit que lui donnent des fonctions étrangères confiées à ses ministres, loin de s'épurer, se corrompt nécessairement et porte sa corruption dans toutes les parties de l'ordre social. Sans nous arrêter aux exemples voisins de nous, qui frappent tous les yeux, mais qu'on ne peut citer sans blesser les esprits faibles et les âmes timides, il suffit d'observer que les superstitions absurdes de l'Inde et de l'Égypte n'en souillaient point la religion primitive, que, comme toutes les religions des grands peuples agriculteurs et sédentaires, elle avait commencé par un pur déisme mêlé de quelques idées métaphysiques prises de la philosophie grossière et exprimées dans le style allégorique de ses premiers temps, et que l'ambition des prêtres, devenus les précepteurs de ces nations, a seul converti ses croyances en un vil amas de superstitions absurdes calculées pour l'intérêt du sacerdoce. Il ne faut donc pas se laisser séduire par des vues d'une économie apparente. Il faut encore moins se livrer à l'espérance d'une perfection mystique, et l'on doit se contenter de former des hommes sans prétendre à créer des anges. Petit 2. Durée des fonctions des maîtres. L'utilité publique exige que des fonctions qui demandent une longue préparation aient une sorte de perpétuité. On pourrait fixer la durée de celle des maîtres à 15 ans pour certaines places, à 20 pour d'autres. Mais après ce temps, il pourrait être continué. Cet espace est une grande portion de la vie d'un homme. Parmi les projets, les plans de travaux qu'un individu peut former, il en est peu qui ne soient terminés dans ce temps, ou assez avancés pour que la crainte d'être obligé de les abandonner ne décourage pas celui qui les entreprendra. En même temps, cette durée n'excède pas celle pendant laquelle un homme qui n'est ni trop âgé ni trop jeune peut espérer de conserver la même force, la même capacité et les mêmes goûts. Enfin, on peut, sans s'exposer à de trop grandes dépenses, assurer au bout de cet espace, à ceux qui seraient dévoués à une profession et livrés aux études préliminaires qu'elle exige, une récompense suffisante pour les dédommager du sacrifice qu'ils auraient fait de tout autre moyen de fortune. Telle est la seule perpétuité qui convienne à des êtres mortels, faibles et changeants. Une circulation rapide dans toutes les places, une perfection qui dégénère en hérédité, sont également des moyens sûrs qu'elles soient mal remplies, et presque toujours réellement exercées par un héritier ou par un subalterne. Moyen de récompenser les maîtres. La récompense destinée au maître ne doit pas se borner à l'individu, elle doit s'étendre à sa famille. Ainsi, on établirait, par exemple, qu'une somme égale au tiers des appointements serait censée mise en réserve pour former la retraite des maîtres et accumulée au taux d'intérêt de 4%. La moitié de cette somme servirait à leur donner une pension viagère, la seconde à former un fonds d'accumulation. Si le maître mourait en fonction, ce fonds appartiendrait à ses enfants, à sa femme et même à son père ou sa mère s'il vivait encore. Si le maître se retirait, soit après avoir rempli son temps, soit par démission, il jouirait d'abord de l'intérêt du fonds d'accumulation qui, à sa mort, appartiendrait à sa famille en ligne directe et ensuite d'une rente viagère telle que le fonds destiné à la produire le donnerait pour une tête de son âge, sans que cependant cette retraite excédât jamais les appointements de la place. S'il ne laissait pas d'héritier en ligne directe, il ne pourrait disposer, après sa mort, que du quart du fonds d'accumulation, fonds qui s'arrêterait lorsqu'il produirait une rente perpétuelle égale aux appointements. Nomination des maîtres, il faut, avant de choisir, pouvoir limiter le choix entre ceux qui ont la capacité nécessaire et qui conviennent aux places. La fonction de nommer peut être séparée de ces deux jugements, elle peut l'être aussi de la continuation et de la destitution. En général, pour remplir une place, on doit chercher à réunir trois conditions. La première, que celui qui est élu ait la capacité suffisante. La seconde, qu'il convienne à la place par des circonstances personnelles et locales. La troisième, qu'il soit le meilleur de ceux qui réunissent cette capacité et cette convenance. Les deux premières conditions sont plutôt l'objet d'un jugement que d'un choix. Quand même on bornerait le nombre de ceux qui seront déclarés convenir à une place ou capables de la remplir, si on ne pose cette limite que pour s'opposer à une trop grande facilité d'allonger ces listes, ce jugement devrait d'autant moins être regardé comme un véritable choix que la limite doit être fixée de manière à n'exclure, dans les cas ordinaires, aucun de ceux qui réunissent les deux conditions exigées. Il faut que ces jugements et ce choix soient confiés à des hommes en état de juger et de choisir, excepté les cas où la capacité de choisir peut être, jusqu'à un certain point, sacrifiée à un intérêt assez important pour donner un véritable droit. Je dis jusqu'à un certain point. En effet, si le plus habile ou le plus savant doit être préféré, si les autres qualités ne peuvent, après les jugements qui ont assuré la capacité et la convenance, devenir un motif prépondérant, on ne peut faire nommer arbitrairement par des hommes hors d'état de juger, à moins qu'ils ne choisissent rigoureusement pour eux-mêmes et pour eux seuls. Il n'est pas nécessaire que ces jugements et le choix soient confiés aux mêmes personnes. Il est, au contraire, avantageux de les séparer. On y trouvera plus de facilité pour s'assurer qu'ils seront faits avec plus de lumière. On peut aussi se flatter de plus d'impartialité dans les premiers jugements, précisément parce qu'ils ne sont pas décisifs, qu'ils ne renferment pas une préférence personnelle. Enfin, il est toujours plus difficile d'agir par l'intrigue sur trois jugements séparés s'ils ne sont pas rendus par les mêmes personnes. Quant à la continuation dans une même place, après l'expiration de la durée assignée, ce droit appartient uniquement à ceux qui ont intérêt que la place soit bien remplie. Et non seulement il peut être séparé de la fonction d'élire, mais il doit l'être toutes les fois que, pour leur propre utilité, cette fonction a été remise en d'autres mains. La destitution, enfin, est un véritable jugement pénal et doit être soumise au même principe que ces jugements, parce qu'il y a la même nécessité d'assurer l'impartialité personnelle. Avant d'appliquer ces règles générales au choix des maîtres, il est nécessaire de se former le tableau de leurs différentes classes et des établissements nécessaires pour assurer la bonté de l'instruction. De ceux qui doivent composer l'établissement d'instruction. Nécessité d'un inspecteur d'études, ses fonctions. Nous trouvons d'abord les maîtres attachés aux trois degrés divers d'instruction générale. Ensuite, ceux qui sont chargés d'un enseignement particulier dans les deux degrés supérieurs de cette instruction. Il faut y ajouter un chef et un économe des maisons d'institution qui doivent recevoir les enfants élevés aux dépens de la nation. Enfin, je crois nécessaire que dans chaque chef-lieu de district et de département, il y ait un inspecteur d'études à qui l'on confierait en même temps la direction des bibliothèques et des cabinets d'histoire naturelle ou de physique qui doivent y être attachés. Ces derniers établissements sont également nécessaires à l'instruction des enfants et à celle des hommes, à l'instruction commune et à celle qui a pour objet les professions ou l'étude des sciences. Il est bon de les réunir tous sous une même main afin que, devenant ainsi plus importants en eux-mêmes, le soin de les surveiller mérite d'occuper un homme éclairé et puisse paraître à ses yeux un moyen de gloire et un devoir digne de lui. C'est par cette même raison que je propose de joindre cette fonction à celle d'inspecteur des études, parce qu'autrement celle-ci serait trop bornée. En effet, elles doivent se réduire à remplacer momentanément les maîtres absents ou malades, à veiller sur l'exécution des règlements donnés aux écoles, à voir si les salles destinées aux études ne menacent ni la vie ni la santé des élèves, à faire les arrangements nécessaires pour que les réparations de ces salles, les divers accidents qui peuvent survenir, n'interrompent pas le cours des études. En général, l'on remplit également mal et les fonctions qui exigent une assiduité trop fatigante et celles qui ne s'exercent que de loin en loin. On néglige les premières, et quant aux secondes, si on ne les néglige pas, on cherche à les étendre au-delà de leurs bornes, et on emploie à se donner de l'importance le temps et les soins qu'on ne peut employer à se rendre utile. Nécessité d'établir des compagnies savantes. Il est essentiel, enfin, pour le progrès des Lumières, et même pour l'établissement d'un système bien combiné d'instruction, qu'il existe une société savante dans chaque première division d'un grand État, par exemple, en France, dans chaque département. Une seule de ces sociétés suffirait dans chacun pour embrasser l'universalité des connaissances humaines. On l'affaiblirait en la divisant. Et au lieu d'une société où l'honneur d'être admis serait une distinction, où l'on pourrait espérer de ne voir appeler que des hommes d'un mérite réel, on n'aurait bientôt que de petites sociétés dévouées à la médiocrité. J'ajouterais qu'il est inutile d'exiger de leurs membres la résidence dans le chef-lieu. Leur réunion personnelle n'est nécessaire ni pour qu'ils s'établissent entre eux une communication suffisante, ni pour les élections qu'ils peuvent être chargés de faire. Il s'est formé en Italie une société ainsi dispersée et elle y subsiste avec succès depuis plusieurs années. Par ce moyen, on n'est pas obligé de se borner à ceux qui habitent le chef-lieu ou qu'on peut y fixer par des places. Les connaissances plus uniformément répandues sont plus généralement utiles et l'on profite à la fois des avantages de la réunion et de ceux de la dispersion des lumières. Ce n'est pas encore ici le lieu de développer la constitution qui convient à ces sociétés, de montrer combien elles sont nécessaires à l'instruction, non des enfants mais des hommes, à l'accroissement et peut-être même à la conservation des lumières. Combien nous sommes éloignés du moment où elles deviendraient inutiles, combien il est absurde de les croire sans force pour l'encouragement du génie et vide de sens de prétendre qu'elles lui ôtent sa liberté. Mais avant de parler de l'influence que je crois utile de leur donner sur le choix des maîtres, il est nécessaire d'entrer dans quelques détails sur leur nature et sur l'esprit qui les anime. L'honneur que j'ai d'être attaché depuis longtemps à une de ces sociétés savantes les plus célèbres m'impose ici le devoir d'une austère franchise. Les compagnies savantes doivent se renouveler par leur propre choix. Il est de la nature des compagnies savantes de choisir elles seules leurs membres. En effet, puisque leur objet essentiel est d'augmenter les lumières, d'ajouter à la masse des vérités connues, il est clair qu'elles doivent être composées des hommes de qui on peut attendre ces progrès. Et qui donc décidera si un individu doit être placé dans cette classe, sinon ceux qui sont censés eux-mêmes en faire partie? Toute autre méthode serait absurde. Examen des reproches qu'on leur fait. On leur a reproché également, et que leur choix appelait dans leur sein un grand nombre de savants ou de littérateurs médiocres, et qu'elles se faisaient un jeu d'exclure les hommes d'un mérite distingué, qui par l'indépendance de leur caractère et de leurs opinions, avaient blessé la vanité ou la morgue de ces auteurs abreuvés et de ces savants privilégiés. Le premier reproche peut être fondé à quelques égards, le nombre des places étant nécessairement fixé, car un nombre illimité exposerait bien plus à de mauvais choix et ne serait propre qu'à encourager la médiocrité, il a dû naturellement arriver qu'au défaut d'un mérite reconnu, la faveur ait influé sur le choix devenu alors presque arbitraire. Et il a dû arriver aussi que les considérations personnelles aient écarté un grand talent pour une, pour deux élections. Mais jamais cette exclusion n'a été durable. L'amitié ou la haine ont pu quelquefois retarder son admission, mais non l'empêcher. On ne pourrait citer, dans toutes les compagnies savantes de l'Europe, l'exemple d'un seul homme rejeté par ses sociétés et dont le talent ait été reconnu par le jugement de la postérité ou par celui des nations étrangères. Sans doute, les académies qui s'occupent des sciences physiques ont repoussé courageusement ces charlatans qui, ayant usurpé une réputation éphémère par de hautes prétentions et de magnifiques promesses, n'ont pu séduire les savants aussi aisément que la multitude. Elles n'ont point accueilli l'ignorant présomptueux qui leur annonçait, comme de brillantes découvertes, des vérités depuis longtemps vulgaires ou des erreurs déjà oubliées. Elles ont été sévères même pour ces hommes qui, sans véritable science comme sans génie, ont cru y suppléer par des systèmes, par des phrases ingénieuses, où ils déployaient la séduisante philosophie de l'ignorance. Mais bien loin que ce soit un tort, c'est, au contraire, la plus forte preuve de l'utilité de ces institutions. Les autres académies, qui ne pouvaient avoir une échelle aussi sûre pour mesurer le talent, ne sont pas moins à l'abri du reproche d'avoir éloigné d'elles les hommes de génie. Celle qui en a essuyé de plus violente, l'Académie française, n'a pas, sans doute, sur sa liste, tous les noms qui ont honoré notre littérature. Mais qu'on examine ce qui y manque. Et on verra que tous, sans exception, en ont été écartés par la superstition qui tenait dans un honteux avilissement les dépositaires du pouvoir, lâches et corrompus, et leur dictait, avec une hypocrite arrogance, les noms qu'elles voulaient illustrer et proscrire. Je demanderai donc comment on peut craindre la partialité des académies si, dans un siècle, 10 de ces corps ne peuvent en offrir un seul exemple. On lui reproche encore un attachement opiniâtre à certaines doctrines qui peut, dit-on, les conduire à de mauvais choix et contribuer à prolonger les erreurs. Celui de l'Académie des sciences de Paris, pour le cartésianisme, en est l'exemple le plus frappant que l'on puisse citer, et par son importance et par sa durée. Cependant, son cartésianisme ne l'a point empêché d'admettre, d'appeler des géomètres newtoniens. Ce sont des membres de cette même académie qui, les premiers, dans le continent de l'Europe, ont professé hautement le newtonianisme. Les cartésiens se bornaient à regarder comme une philosophie dangereuse pour la vérité celle qui, ne se croyant pas obligée de remonter à un principe de mouvement purement mécanique, s'arrêtait tranquillement à une loi vérifiée par l'expérience. Et, malgré cette dispute de métaphysique, les cartésiens ne refusaient ni de croire les faits nouveaux qu'ils perdaient leur temps à expliquer par je ne sais quelle combinaison de tourbillons, ni d'admirer les découvertes de calcul qu'ils gémissaient de voir si mal employées. On a objecté à ces mêmes compagnies leur répugnance à reconnaître les découvertes, les nouveautés utiles, quand elles n'ont pas pour auteurs ou des académiciens ou des hommes liés avec eux de société ou d'opinion. On peut encore ici en appeler à l'expérience. Depuis que ces sociétés existent, et quelques-unes datent de plus d'un siècle, on ne citerait pas l'exemple d'une seule invention réelle qui ait été rejetée par elles. Sans doute, elles n'ont pas voulu les approuver sans preuve. Elles ont distingué soigneusement entre ce qu'on admet d'après une première impression, comme une chose probable qu'on se réserve d'examiner lorsqu'on voudra ou la faire servir de base à une théorie, ou l'employer dans la pratique, et ce qu'on déclare solennellement reconnaître pour une vérité. Mais cette lenteur, cette rigueur scrupuleuse, n'est-elle pas le meilleur garant de la sûreté de leurs décisions? Et des philosophes, qui savent que les vérités prouvées ne diffèrent des simples aperçus de l'instinct que par un degré plus grand de probabilité, pourraient-ils avoir une autre conduite, professer d'autres principes? Qu'ensuite on examine ces découvertes repoussées avec tant de cruauté, qu'on écoute sur elles le jugement infaillible que le temps en a porté, on verra qu'elles se réduisent à des demi-vérités anciennement connues ou à de pures chimères, qu'elles ont été bientôt oubliées et souvent, après avoir expié, par quelques mois de ridicule, leur célébrité usurpée. La raison se joint ici au témoignage de l'expérience. Une société savante s'avilirait elle-même, et la considération de ses membres s'anéantirait par le refus obstiné d'un homme d'un grand talent. Cette considération n'est fondée que sur la bonté, presque générale, des choix. La gloire de quelques-uns se répand sur les autres. Les grands noms qui décorent une liste académique jettent une sorte d'éclat sur les noms moins célèbres qu'on lit auprès d'eux, et cette confraternité repousse l'idée d'une infériorité trop prononcée. Le but de ces sociétés est de découvrir des vérités, de perfectionner des théories, de multiplier les observations, d'étendre les méthodes. Seraient-ils remplis si elles ne choisissaient que des hommes incapables d'y concourir? Et l'habitude des mauvais choix ne les aurait-elle pas bientôt détruites? Il y a donc une cause toujours subsistante qui, agissant dans toutes leurs élections en faveur de la justice, fait qu'au milieu des passions qui se balancent, l'avantage doit être pour elle. Cette force ne pourrait être vaincue que par l'envie qui s'élèverait contre un homme vraiment supérieur. Je ne nierai point l'existence de ce sentiment ni sa honteuse influence, mais admettre un savant dans une académie, ce n'est pas reconnaître en lui une supériorité humiliante pour ceux qui déjà partagent cet honneur. L'homme le plus jaloux du génie de Newton n'aurait pas eu le délire de prétendre qu'il ne méritait pas une place dans une société savante. Et le fanatisme, réuni à l'hypocrisie, a eu besoin d'appeler à son secours d'autres préjugés pour oser dire que le nom de l'auteur d'Alzire déparerait la liste de l'Académie française. L'envie voulait bien qu'il fût inférieur à Crébillon, mais elle ne le plaçait pas au-dessous de Marivaux ou de Danchet. Enfin, s'il n'y avait que ces grandes injustices à craindre, la force de l'opinion publique suffirait pour les empêcher d'être durables. Il en est de même des jugements des sociétés savantes sur des découvertes, sur des projets. Ne confondons pas ces jugements avec ceux qui sont portés dans les affaires ordinaires de la société. Ici, l'objet à juger est constant. Il subsiste toujours. On peut, à tous les instants, prouver l'erreur d'une décision. et le juge, placé entre le reproche ou de partialité ou d'ignorance, ne peut échapper à tous les deux. Quelque crédit qu'un académicien ait dans son corps, quelle que soit l'autorité du corps lui-même sur l'opinion, la voix des savants de toutes les nations aurait bientôt étouffé la sienne. Ce tribunal, qu'on ne peut ni séduire ni corrompre, garantit l'impartialité de tous les autres. C'est lui qui distribue la honte ou la gloire. Le savant, qui déclare son opinion sur une théorie, sur une invention, juge moins cette théorie, cette invention, qu'il ne se soumet lui-même au jugement libre de ses pairs. Ainsi, l'amour-propre, la crainte de se déshonorer, répond ici de l'intégrité des juges, et l'intérêt qu'ils pourraient avoir à mal juger ne peut contrebalancer celui de leur existence scientifique. Une seule erreur suffirait pour la détruire. Plus la découverte rejetée serait grande, brillante, utile, plus leur honte serait durable. Aussi mériterait-ils bien plutôt le reproche de trop d'indulgence. On trouve dans ces sociétés plus de talent que d'érudition dans les sciences, et les inventions oubliées y passent souvent pour des inventions nouvelles. La paresse est indulgente, et elle est naturelle à des hommes livrés à la méditation, quand on les arrache à leurs idées pour les forcer à se traîner sur celles d'autrui. Enfin, la présence des hommes supérieurs empêche la médiocrité d'être difficile, et eux-mêmes sont d'autant plus disposés à traiter favorablement les petites choses que la gloire qui en est le fruit ressemble moins à la leur. Voilà pourquoi l'on peut laisser les compagnies savantes se renouveler elles-mêmes sans craindre qu'elles cessent jamais d'être, à chaque époque, la réunion des hommes les plus éclairés, les plus célèbres par leurs talents. Voilà pourquoi on peut se fier à leur jugement sans craindre ni les préjugés, ni les systèmes de quelques-uns de leurs membres. Ces reproches, tant répétés de s'emparer de l'opinion, d'arrêter les progrès des découvertes, d'exercer en quelque sorte un monopole sur la vérité comme sur la gloire, sont donc absolument chimériques, et il n'est pas difficile d'assigner la cause de ces vaines accusations. Il est dans la réunion trop commune d'une grande présomption à beaucoup d'ignorance, d'une mauvaise tête à des connaissances étendues, mais mal dirigées, d'une imagination désordonnée au talent de l'invention dans les petites choses. Tous ceux en qui on peut observer cette réunion sont les ennemis naturels des sociétés savantes, devant qui ni leurs prétentions ni leurs erreurs n'ont pu trouver grâce. L'opiniâtreté attachée à ces défauts de l'esprit ne leur permet pas de comprendre qu'on puisse, de bonne foi, refuser d'adopter leurs opinions, d'admirer leurs prétendues inventions, de reconnaître la supériorité de leurs talents. Ils ne voient que l'envie qui puisse expliquer un phénomène si extraordinaire. On me dispensera de prouver cette observation par des exemples. Tout homme qui connaît les détails de ce qui se passe journellement dans les sciences en trouvera sans peine. Mais j'observerai que, parmi les nombreux détracteurs des académies, pris dans le nombre de ceux qui se donnent pour savants, il n'en est pas un seul dont il ne soit facile d'expliquer par ce moyen la mauvaise humeur et la haine de ce qu'ils appellent si ridiculement l'aristocratie littéraire. Il n'en est pas un seul pour qui on ne puisse dire quelle est l'ignorance grossière, le système chimérique, la vaine prétention qui, repoussée par un jugement sévère, mais à peine juste, ou même par le silence, a été la cause secrète de sa colère. Joignez-y une foule d'hommes qui, occupés des arts dont les sciences sont la base, voient dans les sociétés savantes des juges redoutables pour la charlatanerie et dans leurs membres des censeurs qui peuvent les apprécier et découvrir leur ignorance, quel que soit le masque dont ils essayent de la couvrir. Ils traînent à leur suite une foule non moins nombreuse de ces gens qui, ignorant même ce que peut être une science, s'irritent de la seule idée qu'un autre homme ait la prétention de connaître ce qu'ils ignorent, haïssent, dans les savants, la supériorité de lumière autant que la gloire, et ne pardonnant aux sciences que ces applications faciles qui ne supposent aucune supériorité, favorisent ceux qui se vantent d'avoir fait des découvertes sans rien savoir, parce qu'ils les voient plus près d'eux, parce qu'ils sont les ennemis de leurs ennemis, parce que, enfin, ils recherchent leur suffrage que les vrais savants dédaignent. Les sociétés savantes n'ont pas eu besoin de la puissance publique pour se former. Elle les a reconnus et ne les a pas créés. L'Académie des sciences de Paris existait chez Carcavi, la Société de Londres chez Oldenburg. Elles étaient l'une et l'autre l'assemblée des hommes les plus célèbres de chaque nation, et elles le sont encore. Adoptées par les rois, elles ont continué d'être ce qu'elles avaient été, ce qu'elles seraient restées sans eux. Les règlements, souvent contraires à la liberté, imposés à quelques-unes de ces sociétés, n'en ont pas changé l'esprit, et il durera tant que leur mobile sera le même, tant qu'il sera non une telle vue d'utilité publique, non l'encouragement de tel art nécessaire, mais le besoin naturel aux hommes, né pour la vérité, de s'avancer sans relâche sur la route qui y conduit. L'association des hommes les plus éclairés d'un pays étant une fois formée, qu'elle l'ait été par leur seule volonté ou que l'autorité l'ait établie, elle subsistera aussi longtemps que les sciences, quand même la puissance publique égarée refuserait de l'adopter et de profiter de ses lumières. Il ne s'agit donc point de créer, de conserver à un corps le privilège exclusif de la science, mais de le reconnaître, de l'encourager dans le corps où elle existe, où elle doit exister toujours, quand une fois elle y a été réunie. Et elle doit y exister toujours, parce que l'amour-propre de ceux qui le composent les porte constamment à s'associer les hommes qui ont le plus de talent, et que l'amour-propre de ceux qui n'y sont pas encore admis leur fait désirer de se trouver sur la liste où se lisent les noms les plus célèbres. Ce n'est donc point à leur règlement, à l'esprit particulier de celles qui existent, aux lumières ou aux vertus de leurs membres, que les sociétés savantes doivent cet avantage. C'est à la nature même de leurs travaux. Si elles ont une bonne constitution, c'est-à-dire une constitution qui les rappelle sans cesse à leur objet, elles conserveront leur esprit plus longtemps, plus complètement. On ne doit pas s'effrayer de l'exemple des anciennes corporations investies d'une profession exclusive, chargées du maintien d'une doctrine consacrée par la loi ou par la religion. Tout devait naturellement y tendre à fortifier l'esprit du corps, comme dans les sociétés savantes, tout, au contraire, tend à le détruire.